l'Afrique. Réveille-toi. Africa. Lamuka, Ozakolala, Lamuka. Berceau de l'humanité. La guerre. Ba koko ba kende boumbu, osale la mondele, elo biso baumbu, bebi singa singa na mondele. Zouk Afrika mboka mbongo e, ba konzi bo sangana, botombo l'Afrika. L'instruction est indispensable. Ba lola lopo sonayon, yo koko ma mondele, bonako ye bisa yo ki mondele ya utana moindo. Zalibe moko ça me fait sa bosso soli na le poso moindo. Mes frères africains, conscientisons-nous car notre continent est beau et riche. Moi mon zalibe moko moko moko moko moko. Landa biso tina kati ya malita. Nenge nini zeta poko tina lona kie boti mume komeli na buki na basoli. Mali ya pamba Tumbwa loko somo indo mizeri. Ngaina bande kubangato kufina nzala mankasa kukoti ezala tandula. Ne consolation Afrika mawa. Abbé Camille Moulumba, Abbé Jim, Abbé Blaise Omo, Pasteur Méard, Frère des Babes, Tosambe la bonne Afrique, Dimia Ekota, nous voulons la paix. Car l'Afrique est plongée dans l'ombre, funèbre, funeste, atroce, pervers, odieux, catafalque, ténébreux, rébellion, anarchie, sommet après sommet. Conférence sur conférence. Bakoko bakene boumbu, osale la monele lelo biso ba umbu bem singa singa la monele zoka Afrika moka mbongo bakonzi mosangana otombo la Afrika. La pensée du juste est une prière aux yeux de l'Éternel.